Unité 11. Conversation. Écoutez. As-tu un devoir surveillé aujourd'hui? Non, j'ai eu un devoir surveillé hier. En quelle matière? J'ai eu un devoir surveillé de français. A-t-il été facile? Non, il n'a pas été facile. Es-tu bonne en français? Oui, la dernière fois, j'ai eu 12 sur 20. Répétez. 1. As-tu un devoir surveillé aujourd'hui? 2. Non, j'ai eu un devoir surveillé hier. 3. En quelle matière? 4. J'ai eu un devoir surveillé de français. 5. A-t-il été facile? 6. Non, il n'a pas été facile. 7. Es-tu bonne en français? 8. Oui, la dernière fois, j'ai eu 12 sur 20. Répondez, répétez. 9. As-tu un devoir surveillé aujourd'hui? 10. Non, j'ai eu un devoir surveillé hier. 11. En quelle matière? 12. J'ai eu un devoir surveillé de français. 13. A-t-il été facile? 14. Non, il n'a pas été facile. 15. Es-tu bonne en français? 16. Oui, la dernière fois, j'ai eu 12 sur 20. Écoutez. 17. As-tu eu les résultats de ton examen? 18. Je les ai eus ce matin. 19. As-tu été contente du résultat? 20. Non, je n'ai pas été contente du résultat. 21. Paul et Sophie ont-ils été plus heureux? 22. Oui, ils ont été plus heureux. 23. Pourquoi? 24. Parce qu'ils ont eu une mention. Répondez, répétez. 25. As-tu eu les résultats de ton examen? 26. Je les ai eus ce matin. 27. As-tu été contente du résultat? 28. Non, je n'ai pas été contente du résultat. 29. Paul et Sophie ont-ils été plus heureux? 30. Oui, ils ont été plus heureux. 31. Pourquoi? 32. Parce qu'ils ont eu une mention. Écoutez. Avez-vous eu un rendez-vous chez le médecin? Oui, nous avons eu un rendez-vous chez le pédiatre. Votre fille est-elle malade? Non, maintenant elle va bien. Alors, quand a-t-elle été malade? Elle a été malade le mois dernier. Qu'a-t-elle eu? Elle a eu la rougeole. Vos enfants ont-ils eu la rougeole? Non, ils n'ont pas encore eu la rougeole. Répétez. 33. Avez-vous eu un rendez-vous chez le médecin? "34. Oui, nous avons eu un rendez-vous chez le pédiatre. "35. Votre fille est-elle malade? "36. Non, maintenant elle va bien. 37. Alors, quand a-t-elle été malade? 38. Elle a été malade le mois dernier. 39. Qu'a-t-elle eu? 40. Elle a eu la rougeole. 41. Vos enfants ont-ils eu la rougeole? 42. Non, ils n'ont pas encore eu la rougeole. Répondez, répétez. 43. Avez-vous eu un rendez-vous chez le médecin? 44. Oui, nous avons eu un rendez-vous chez le pédiatre. 45. Votre fille est-elle malade? 46. Non, maintenant elle va bien. 47. Alors, quand a-t-elle été malade? 48. Elle a été malade le mois dernier. 49. Qu'a-t-elle eu? 50. Elle a eu la rougeole. 51. Vos enfants ont-ils eu la rougeole? 52. Non, ils n'ont pas encore eu la rougeole. Écoutez. 53. Où êtes-vous allé hier? 54. Hier, nous sommes allés à la mer. 55. Est-ce que vous êtes allé à Quiberon? 56. Oui, nous sommes allés à Quiberon. 57. Avez-vous eu beau temps? 58. Oui, nous avons eu beau temps. Répondez, répétez. 59. Où êtes-vous allé hier? 60. Hier, nous sommes allés à la mer. 61. Est-ce que vous êtes allé à Quiberon? 62. Oui, nous sommes allés à Quiberon. 63. Avez-vous eu beau temps? 64. Oui, nous avons eu beau temps. Écoutez. 65. Qu'avez-vous fait hier? 66. Nous avons été au bureau toute la journée. 67. Avez-vous beaucoup de travail? 68. Nous avons eu une longue réunion. 69. Combien de temps avez-vous été en réunion? 70. Nous avons été en réunion de 2h à 6h. 71. Et toi, as-tu eu un peu de temps libre hier? 72. Hélas, non. J'ai corrigé des copies. Répondez, répétez. 73. Qu'avez-vous fait hier? 74. Nous avons été au bureau toute la journée. 75. Avez-vous beaucoup de travail? 76. Nous avons eu une longue réunion. 77. Combien de temps avez-vous été en réunion? 78. Nous avons été en réunion de 2h à 6h. 79. Et toi, as-tu eu un peu de temps libre hier? 80. Hélas, non, j'ai corrigé des copies. Écoutez. Avez-vous eu vos billets pour le théâtre? Non, nous ne les avons pas eus. C'est bizarre. Pourtant, Paul les a achetés. Mais nous n'avons pas vu Paul aujourd'hui. Pourquoi ne téléphonons-nous pas à Paul? C'est une bonne idée. Paul, as-tu acheté les billets pour le théâtre? Oui, je les ai achetés hier. As-tu les billets pour Jacques et Sophie? Oui, j'ai leurs billets. Pourquoi ne les as-tu pas apportés? Parce que j'étais occupé toute la journée. Répétez. 81. Avez-vous eu vos billets pour le théâtre? 82. Non, nous ne les avons pas eus. 83. C'est bizarre. Pourtant, Paul les a achetés. 84. Mais nous n'avons pas vu Paul aujourd'hui. 85. Pourquoi ne téléphonons-nous pas à Paul? 86. C'est une bonne idée. 87. Paul, as-tu acheté les billets pour le théâtre? 88. Oui, je les ai achetés hier. 89. As-tu les billets pour Jacques et Sophie? 90. Oui, j'ai leurs billets. 91. Pourquoi ne les as-tu pas apportés? 92. Parce que j'ai été occupé toute la journée. 91. Répétez. 93. Avez-vous eu vos billets pour le théâtre? 94. Non, nous ne les avons pas eus. 95. C'est bizarre. Pourtant, Paul les a achetés. 96. Mais nous n'avons pas vu Paul aujourd'hui. 97. Pourquoi ne téléphonons-nous pas à Paul? 98. C'est une bonne idée. 99. Paul, as-tu acheté les billets pour le théâtre? 100. Oui, je les ai achetés hier. 101. As-tu les billets pour Jacques et Sophie? 102. Oui, j'ai leurs billets. 103. Pourquoi ne les as-tu pas apportés? 104. Parce que j'étais occupé toute la journée. 105. J'étais occupé toute la journée. 106. Le devoir surveillé a été facile. 107. Nous avons été contents de notre examen. 108. Nos examens n'ont pas été difficiles. Répondez, répétez. 109. Qu'as-tu fait hier? 110. J'ai été occupé toute la journée. 111. Le devoir surveillé a-t-il été facile? 112. Oui, le devoir surveillé a été facile. 113. Avez-vous été content de votre examen? 114. Nous avons été contents de notre examen. 115. Vos examens ont-ils été difficiles? 116. Nos examens n'ont pas été difficiles.